Je m'entraîne 2. Cahier, page 48. Question 1. 1. Monsieur, Lenoria, c'est dans quelle ville, s'il vous plaît? C'est à Hama. 2. Pourquoi tu aimes cette cérémonie? Parce qu'il y a des feux d'artifice. 3. Est-ce qu'il y a du vent aujourd'hui? Non, il pleut. 4. L'amphithéâtre de Bosra, ça se trouve où? C'est à Dara, au sud de la Syrie. 5. Pourquoi les rues sont animées? Parce que tout le monde célèbre et on joue de la musique partout.